بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هي برات أوفيس أخي، إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. إنه لقول، يعني المد شوي. إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما هو على الغيب بضنين، ولقد رآه بالأفق مبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بارك الله فيك. إيش الفرق بين ثم وثم؟ ثم يعني بعد، وثم حتى في المغرب والجزائر يكون ثم يعني هناك أو هنالك. إذا نقرأ إن شاء الله تعالى تفسير سورة التكوير. يقول الشيخ: وهي مكية، يعني نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر بعد. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلق، وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر. يعني إذا حصلت هذه الأشياء كلها، وهي أشياء يعني عظيمة ومخيفة، إذا حصلت كل إنسان يعلم ما قدمه لحياته الآخرة من خير وشر. وكذلك الخلق يتميز ما بين مؤمن وفاجر، وصالح وفاسق، إلى آخره. دوك باس لا ترادكسيون إن شاء الله. دوك لا فيرسي لا سورة التكوير. دوك او ديبو يدي سبحانه وتعالى: دوك quand le soleil sera couvert. Ça on va l'expliquer après. Quand elle sera enveloppée ou quand elle sera. Donc, et quand les étoiles seront effacées, et quand les al-jibal, les montagnes suyirat, c'est-à-dire on les fera marcher. Et quand les chamelles, elles seront délaissées. Et quand les bêtes sauvages seront regroupées. Et quand les mers, M-E-R, seront allumées. Et quand les âmes seront regroupées. Et quand celle qui a été enterrée vivante sera questionnée pour quel péché elle a été tuée. Et quand les feuilles seront ouvertes. Et quand le ciel sera écorché. Et quand l'enfer sera attisé. Et quand le paradis sera rapproché, alors chaque âme sera ce qu'elle a préparé. Donc le Cheikh dit, pour l'expliquer tous ces versets-là, c'est-à-dire quand ces choses-là elles vont arriver, les gens ils seront divisés et ils seront distingués, c'est-à-dire entre musulmans, mécréants, croyants, pieux et pervers, etc. Et chacun il saura ce qu'il a préparé et il verra ce qu'il a préparé dans sa vie d'ici-bas pour sa vie future. وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُكَوَّرُ الشَّمْسُ أي تجمع وتلف تلف c'est-à-dire elle sera enveloppée ويخسف القمر ويلقيان في النار. Donc il dit ce jour-là, au jour du jugement, le soleil il sera enveloppé, c'est-à-dire on va le compresser, l'envelopper, et la lune elle perdra sa lumière et les deux seront jetés dans le feu, c'est-à-dire dans Jahannam. وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وتساقطت من أفلاكها. Donc la deuxième chose, وإذا النجوم انكدرت, c'est-à-dire quand les étoiles elles vont tomber des endroits qui leur sont maintenant connus ici-bas. On appelle ça leur station. Quand elles tomberont de leur station et elles changeront, elles perdront aussi leur lumière. وإذا الجبال سيرت أي صارت كثيبا مهيلا ثم صارت كالعهن المنفوش ثم تغيرت وصارت هباء منثورا وسيرت عن أماكنها. Et quand on fera marcher les montagnes, c'est-à-dire que les montagnes elles vont se désagréger, d'abord elles seront comme des dunes de sable et après elles seront comme de la laine touffue ou écorchée, et après elles seront comme de la poussière, donc elles disparaîtront de l'endroit où elles sont. وإذا العشار عطلت أي عطل الناس حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات فجاءهم ما يذهلهم عنها فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادها. يعني العشار هي النوق جمع ناقة, الناقة التي تتبعها أولادها يعني العشارة. فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادها وهي أنفس أهل العربي إذ ذاك عندهم على ما هو في معناها من كل نفيس. يعني الله تعالى في هذه الآية عبر ونبه بالعشار, لكن المقصود هو الأموال النفيسة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من مراد بحمر النعم؟ الإبل. يعني المراد لأن الإبل آنذاك كانت أنفس الأموال عندهم عند العرب وأحب الأموال إليهم, فقال خير لك من حمر النعم يعني من الإبل. لكن هل المقصود هو الإبل فقط؟ لا طبعا, المقصود هذا خير لك من كل ما تحبه الأنفس, من كل ما تحبه, من كل ما يحبه بنو آدم, يعني من كل ما طلعت عليه الشمس. نفس المعنى هنا, يعني إذا العشار عطلت يعني إذا كان الناس لا يهتمون حتى بالأموال النفيسة المحبوبة إليهم. لماذا؟ طبعا لما يذهلهم من حالتهم يومئذ. Donc ensuite il a dit وإذا العشار عطلت, c'est-à-dire quand les chamelles, العشار c'est des chamelles, donc femelles, qui sont suivies par leurs enfants. Donc ça c'était les biens préférés des Arabes. إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, c'est-à-dire quand elles seront délaissées, on leur donne plus d'importance aux chamelles. En fait ce qui est voulu par là, c'est-à-dire quand même les biens les plus précieux, les gens ils ne leur donneront plus d'importance. Et ça c'est quand? C'est au jour du jugement. Mais Allah Azza wa Jal il n'a pas dit les biens, il a dit les chamelles. Pourquoi? Parce que les chameaux c'est ce que les Arabes de l'époque ils préféraient posséder. C'est comme dans le hadith où le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Ali, qui est dans les Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, quand il lui a dit par Allah, le fait qu'Allah guide par toi un homme, c'est mieux pour toi que les bêtes rouges. En fait, il voulait dire les chameaux. Parce que pourquoi il a pris comme exemple les chameaux? Parce que les chameaux, c'est la chose qu'il préférait à l'époque. Donc ce qui est voulu par là, c'est tous les biens. Mais il donne les chameaux comme un exemple, parce que c'est ça qu'ils aimaient. Mais ce qui est voulu, c'est tous les biens. Donc là, il a dit, quand les gens ils ne feront plus attention à leurs chameaux, c'est-à-dire même aux biens qu'ils aiment, ils n'y feront plus attention. Pourquoi? Justement, à cause de la catastrophe et du malheur de ce jour-là, et de leur situation ce jour-là. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض ويرى العباد كمال عدله حتى إنه ليقتص من القرناء للجماء ثم يقول لها كوني ترابا. Ensuite il a dit وإذا الوحوش حشرت, et quand les bêtes sauvages elles seront regroupées, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal il va regrouper les bêtes, donc les animaux qui ont été faites les unes envers les autres. Comme il est dit ici, en fait, il le tire des hadiths, à tel point qu'Allah va rendre à la bête qui n'avait pas de cornes la justice vis-à-vis de celle qui avait des cornes, c'est-à-dire et qu'il l'a tapée, par exemple. Donc Allah il va montrer sa justice et son jugement même dans les animaux. Et à ce moment-là, les êtres humains ils verront le jugement équitable d'Allah Azza wa Jal. Mais en ce qui concerne les animaux, ce qui va advenir d'eux par la suite est différent des êtres humains. C'est qu'Allah va leur dire « Kouni turaba » devenaient de la poussière, c'est-à-dire qu'elles vont tout simplement disparaître. Elles ne vont pas aller au paradis ou en enfer. C'est pour ça, comme on l'avait vu dans Surat Amma, qu'est-ce qu'il va dire le kafir ?« وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا » Et il va dire, en fait, dans le tafsir, il dit, c'est parce qu'il verra justement les animaux, eux, ils deviendront de la poussière. Donc il va dire, moi j'aimerais bien être aussi de la poussière, plutôt que de rentrer en enfer. وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد. Ensuite il a dit, et quand les mers MER seront allumées, c'est-à-dire que les mers, malgré qu'elles soient énormes, elles vont devenir comme du feu qui est allumé. وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار وزوج المؤمنين وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين وهذا كقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وقوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم. Ensuite il a dit وإذا النفوس زوجت. زوجت c'est-à-dire elles seront mises ensemble, c'est pas seulement qu'elles seront mariées. C'est-à-dire quand les âmes, elles vont être mises ensemble. C'est-à-dire que chaque personne qui faisait des actions ici-bas, au jour du jugement, elle va être avec ceux qui faisaient les mêmes actes que lui. Donc les gens pieux, ils seront avec les gens pieux, et les perdus, ils seront avec les perdus. C'est-à-dire les désobéissants à Allah, ils seront avec les désobéissants. Et ça, on le retrouve dans d'autres versets. Et aussi, il le dit, les croyants parmi les hommes, ils rejoindront les femmes du paradis. Alors que les kuffars, ils vont rejoindre les shayatin en enfer. Et d'autres versets disent ça. وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Et ceux qui ont mécru seront conduits vers l'enfer, zumara, c'est-à-dire en groupe. En groupe parce qu'ils sont les uns des autres, c'est-à-dire ceux qui faisaient tel acte, ils seront ensemble. Et dans l'autre verset, وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Et ceux qui ont craint leur Seigneur, ils seront conduits au paradis, Zumara, c'est-à-dire en groupe. Ou alors l'autre verset qui dit Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum, regrouper ceux qui étaient injustes avec leurs épouses. Wa idhal maw'udatu su'ilat. Les sœurs, s'il vous plaît, barakallahu fikoun, si vous pouvez essayer de ne pas parler pendant les cours, parce que moi-même je m'en sors plus là. Wa idhal maw'udatu su'ilat وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر فتسأل بأي ذنب قتلت. يعني العرب في الجاهلية قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادتهم أنهم يدفنون البنات, يعني إذا ولدت لهم بنت يدفنونها وهي لم تبلغ سنة, ربما ستة أشهر أو سنة, هم يدفنونها. لماذا خشية الفقر؟ هم يحبون الأولاد, يعني البنين على البنات, لتقوية القبيلة مثلا أو لتقوية الأسرة وللترزق وغير ذلك، لأن الابن يعمل، أما البنت فهي يعني في بيت زوجها لا تعمل ولا تأتي بالرزق وبالمال. فتسأل بأي ذنب قتلت، ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب، يعني الطفلة طبعا ليس لها ذنب، ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها. يعني الآية هذه يفهم منها اللوم لهؤلاء الذين قتلوا بناتهم. Ensuite il a dit وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة c'est la fille qui est enterrée vivante. Parce qu'il faisait partie donc de l'habitude des Arabes avant l'islam, c'est d'enterrer leur fille vivante. Donc une petite fille, même de 6 mois ou d'un an, s'ils n'en voulaient pas pour s'en débarrasser, ils l'enterraient vivante. Donc c'est pas qu'il l'a tuée après l'enterrer. Il faisait un trou, il la mettait dedans. Et il remettait la terre alors qu'elle était en train de pleurer. Pourquoi ? Par peur de la pauvreté. Parce qu'il se disait donc une fille c'est une bouche en plus à nourrir. Et aussi elle ramène rien. Alors qu'un garçon lui va travailler. Et il va ramener de l'argent. Et aussi, il va renforcer sa tribu et sa famille. Alors que la fille, elle va rester dans la maison. Et elle ne va pas ramener d'argent et de biens. Donc l'islam, il est venu, avec, bien sûr, en montrant que ça, c'est un des plus grands crimes. Donc ce verset, il dit, quand on demandera à la fille qui a été enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée. Parce que bien sûr, ça veut dire qu'elle n'a pas de péché. Et qu'elle a été tuée de façon injustifiée. Et c'était une transgression contre elle. Donc en fait, ce verset, même si quand on le lit comme ça, on ne le voit pas, mais il veut, c'est un blâme. Allah et Azza wa Jal, dans ce verset, il renie l'acte que faisaient les Arabes avant l'islam. Ici, on peut faire une parenthèse ici, c'est que ça rentre dans le même état d'esprit, ceux qui prennent la contraception, pour, pas pour des raisons de santé, mais pour pas avoir d'enfants à cause de la nourriture. C'est le même état d'esprit. Même si, bien sûr, c'est pas le même péché. Parce qu'il y a une grande différence entre une personne qui prend une pilule, ça empêche qu'il y ait un bébé qui se forme, et une personne qui tue un bébé qui est déjà formé. Bien sûr, c'est différent. Mais l'esprit, l'idée, elle est la même. Donc même si le crime, il n'est pas le même, mais cette idée, cette crainte de la pauvreté à cause des enfants, ça date de Al-Jahiliya. Et ça, en vérité, on le retrouve chez les Koufa, et notamment les athées qui vivent autour de nous. Ils font un enfant, deux enfants, et si par bonheur, et donc qui écrivent à chaque instant ce que la personne est en train de faire, ce qu'elle écrit de bien, ce qu'elle fait de bien et ce qu'elle fait de mal, ce qu'elle dit de bien et ce qu'elle dit de mal. On va plier le ciel comme on plie des livres, comme on plie des feuilles. Hadhihi al-aya يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يمكن أن تقرأ للكتب ويمكن أن تقرأ للكتاب كلاهما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك وإذا الجحيم سعرت c'est-à-dire quand le feu sera attisé. C'est-à-dire qu'elle va s'enflammer d'une façon qu'elle n'a jamais connue auparavant. Pourquoi il dit auparavant ? Est-ce que l'enfer, il existe déjà ? Naam, il existe déjà, maintenant. Est-ce qu'on le voit ? On ne le voit pas. Parce qu'Allah dit « فَاتَّقُوا النَّارَ أَلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ » C'est-à-dire qu'elle est déjà présente. Donc le feu, il est déjà présent, le feu de l'enfer. Mais on ne le voit pas, on doit juste y croire. Parce qu'Allah, en parlant du feu de l'enfer, il a dit un feu qui a été préparé pour les mécréants. C'est-à-dire qu'il existe déjà. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ أَيْ قُرِّبَتْ لِلْمُتَّقِينَ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ c'est-à-dire قُرِّبَتْ c'est quand le paradis il sera rapproché. C'est-à-dire que le paradis va s'approcher des gens au jour du jugement. Et l'enfer aussi, il se rapproche. Comme c'est cité dans le hadith que l'enfer, il sera traîné avec 70 000 chaînes, et pour chaque chaîne, il y a 70 000 anges qui traînent l'enfer. Alimat nafsun, yani idha hasalat hadhi al-ashya, alimat nafsun ma ahdarat. Ay kullu nafsin li'tiyaniha fi siyaq al-shart, ma ahdarat ay ma hadara ladayha min al-a'mal allati qaddamatha kama qala ta'ala, wa wajadu ma amilu hadira. Donc, quand tout ça va arriver, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit ? Alimat kullu nafsin ma ahdarat. Chaque âme, c'est-à-dire chaque personne, parmi les êtres humains et les djinns, ils sauront ce qu'ils ont ramené, c'est-à-dire quelles actions ils ont préparées et qui sera maintenant pour eux, comme bien et comme mal. وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. Ensuite, il a dit toutes les caractéristiques qu'Allah Azzawajal il a données ici dans Surat Idha Shamsu Kuwirat. Donc, quand il va arriver ça, quand il va arriver ça, quand il va arriver ça. Donc, ça, c'est des caractéristiques du jour du jugement qui font peur à la personne et qui doivent amener la personne à s'écarter de tout ce qui mérite le blâme de la part d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Regardez, le Cheikh, il est précis quand il parle. Parce qu'il a dit, il n'a pas dit tout ce qui mérite le châtiment. Il a dit tout ce qui mérite le blâme. Pourquoi ? Parce que les interdits d'Allah Azzawajal, ils sont de deux sortes. Il y a ce qui est haram. Et ce qui est haram, qu'est-ce qu'il ramène sur toi ? Un péché. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose qui est haram, tu mérites le châtiment, l'adhab, à cause de ce péché. Sauf si Allah, il veut te pardonner. Ou sauf si tu te rends. Et il y a une autre sorte d'interdit, c'est ce qu'on appelle al-makruh. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit certaines choses, mais c'est, entre guillemets, c'est seulement makruh. C'est-à-dire si tu le fais, tu n'as pas de péché et tu ne mérites pas de châtiment. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être laxiste dans ces choses-là. Parce que le chéri, qu'est-ce qu'il dit ? Quand tu vois la description du jour du jugement, ça doit te pousser à t'écarter de tout ce qui est, tout ce qui t'amène à l'homme. C'est-à-dire le blâme de la part d'Allah. Et le fait d'être blâmé dans la religion, c'est pas qu'en faisant le haram, c'est aussi en faisant le makruh. Et c'est aussi en délaissant les choses qui sont, comme les gens ils disent maintenant, sunna. C'est-à-dire ils disent c'est pas obligatoire. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas obligatoires dans l'islam. Certes, la personne, si elle les délaisse, elle n'a pas de péché, mais elle est maloum, c'est-à-dire elle est blâmée dans l'islam. C'est pour ça, par exemple, l'imam Ahmed, quand on lui a parlé de quelqu'un qui ne faisait pas le witr, pourtant le witr, ce n'est pas obligatoire. C'est mustahab. Si un musulman ne fait pas de witr, il n'a pas de péché. Mais qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed ? Hadha rajul su. Ça, c'est quelqu'un de mauvais. La tuqbalu shahadatuhu. Je n'accepte pas son témoignage, c'est-à-dire dans une affaire. Devant le juge, son témoignage n'est pas accepté. Pourtant, il n'a pas fait de péché. Mais parce qu'il est, il a l'aum, c'est-à-dire il est blâmé. Parce qu'il délaisse quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout le temps, même si pourtant c'est pas obligatoire. Donc il dit le shirk, que je vous explique tout ça pour attirer l'attention, quand il a dit kulluma yujibul laum, c'est-à-dire ça doit nous pousser à nous écarter de tout ce qui peut nous rendre blâmés devant Allah azza wa jal. Donc c'est pas seulement ce qui est haram, même ce qui est makruh ou bien ce qui est douteux, ou alors le fait de délaisser les choses qui sont recommandées sans être obligatoires. Tout ça, le fait de le faire ou de ne pas le faire, ça ramène l'homme, c'est-à-dire le blâme sur la personne. En plus, les sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur ordonnait quelque chose, ils ne disaient pas « Hal huwa fard am mustahab ?» Ils ne disaient pas « Est-ce que tu nous l'as ordonné ?» C'est-à-dire, c'est obligatoire, ou est-ce que tu nous l'ordonnes comme un conseil et ce n'est pas obligatoire ? Ils ne demandaient pas, ils appliquaient comme ça. Et quand ils leur interdisaient quelque chose, ils ne demandaient pas « Est-ce que c'est haram ou c'est makruh ?» Est-ce que si on le fait, on aura un péché ou pas ? Ou est-ce que c'est juste, c'est déconseillé ? Il ne le faisait pas de toute façon. Ça, c'est un nez. C'est ce que le muslim, il doit essayer de faire. Comme ça, il est plus loin possible de la colère d'Allah Azza wa Jal. Et là, il dit, As-salaf, c'est-à-dire sahaba wa tabi'in, rahimahumullah wa ajma'in, il disait, celui qui veut voir le jour du jugement, comme s'il le voyait en face, eh ben, qui réfléchit sur la sourate, c'est-à-dire celle qu'on vient de lire. ثم قال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس إلى آخره. أقسم تعالى بالخنس وهي الكواكب التي تخنس أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق وهي النجوم السبعة السيارة الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ والزحل وعطارد فهذه السبعة لها سيران سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب والأفلاك وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها يعني الشيخ يقول المقصود بالخنس هي سبعة كواكب الشمس والقمر والخمسة الأخرى المذكورة هنا يعني لها سير مخالف لسير بقية الكواكب فأقسم الله بها في حال خنوسها يعني إذا تأخرت يعني خالفت بقية الكواكب أي تأخرها وفي حال جريانها الجواري يعني الجاريات وفي حال كنوسها يعني إذا خفيت أي استتارها بالنهار ويحتمل أن المراد بها جميع النجوم الكواكب السيارة وغيرها يعني لهذه الآية أو هذه الآيات تفسيران إما أن المقصود هذه السبعة التي لها سير مخالف لسير بقية الكواكب أو المراد كل الكواكب يعني السبعة وغيرها Donc ensuite Allah Azza wa Jal, le verset dit Fala uqsimu bil khunnas. C'est-à-dire Allah il jure, il dit je jure par al khunnas. Al khunnas, c'est-à-dire celle qui s'attarde. Al jawari, c'est-à-dire celle qui court. Al khunnas, celle qui se cache. Et en fait, le shaykh il explique, il dit ça, ce sont les astres. Il dit c'est sept astres qui n'ont pas la même façon de se déplacer que les autres astres, que les étoiles. Et il dit ces sept-là, c'est le soleil. La Lune, Vénus, Jupiter, Mars, Mercure et Saturne. Il dit parce que ces sept-là, elles ont deux façons de se déplacer. Une façon vers le Maghrib, c'est-à-dire vers le coucher du soleil, comme les autres astres. Et elles ont aussi un déplacement vers l'Est, que les autres astres n'ont pas. Donc elles se distinguent. Donc Allah il a juré par ces sept-là spécialement, qui sont Al-Khunnas. C'est-à-dire celles qui s'attardent. Elles sont différentes des autres dans leur déplacement. Al-Jawari, c'est-à-dire qu'elles se déplacent. Al-Kunnes, c'est-à-dire Taknes, elles se cachent. C'est-à-dire quand elles disparaissent le jour. Ou alors le Cheikh dit, ou alors ce qui est voulu dans ce tafsir, c'est d'autres, c'est toutes les étoiles en fait. Tous les astres qui sont dans le ciel. Puisque tous les astres qui sont dans le ciel, yani, elles courent et elles se cachent pendant le jour. والليل إذا عسعس أي أدبر وقيل أقبل يعني إذا عسعس إما إذا جاء أو إذا راح والصبح إذا تنفس أي بانت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم Donc après qu'il est juré par les étoiles, il a dit وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ C'est-à-dire, et je jure par la nuit, إِذَا عَسْعَسَ Donc certains mufassirines, ils ont dit ça veut dire quand la nuit elle vient, et d'autres ils ont dit ça veut dire quand la nuit elle part. Parce que عَسْعَسَ, il peut vouloir dire les deux en arabe. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ Entre guillemets, et l'aube, quand elle souffle. C'est-à-dire quand l'aube arrive après la nuit. Donc il dit Allah Azza wa Jal, il a cité ici des grands signes de sa puissance. Et il a juré par ces signes-là, qui sont les étoiles, et aussi le jour et l'alternance du jour et de la nuit. Et sur quoi il a juré? Ça vient après dans les versets, il a juré sur le Qur'an. Comme quoi le Qur'an il vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne vient pas des shayatin. فَقَالَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ يعني هذا موضوع القسم على ماذا أقسم سبحانه وتعالى على هذا إنه لقول رسول كريم من الرسول هنا جبريل هو الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين هو جبريل ala qalbika li takuna min al-mundhirin. Donc ensuite, quel est le sujet de ce serment? Allah a juré. Donc sur quoi il a juré? Il a juré sur le fait que le Coran vient de lui, subhanahu wa ta'ala, et non pas des diables. Donc il a dit tout de suite après, innahu, donc certes, innahu la qawlu rasulin karim. Certes, c'est la parole d'un noble envoyé. Le noble envoyé ici, c'est Jibril. C'est-à-dire que certes, celui qui est venu et qui a transmis ce Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est autre que Jibril. Et non pas les shayatins. Donc ça ne veut pas dire que le Coran c'est la parole de Jibril, bien sûr. Mais ça veut dire que ce que Mohammed a reçu, c'est une... qui lui a transmis, c'est Jibril et non pas les djinns. Comme il a dit Allah dans un autre verset, le verset qui dit, certes ceci a été descendu du Seigneur des mondes, Nazala bihi ar-ruh al-amin. Et c'est l'esprit de confiance, ar-ruh al-amin, qui est descendu avec. Ala qalbika, sur ton cœur. Pour que tu sois parmi ceux qui avertissent. قوم لوط يعني جبريل قلبهم يعني رفع ديارهم وقلبهم عند ذي العرش ذي قوة عند ذي العرش مكين أي جبريل مقرب عند الله له منزلة رفيعة وخصيصة من الله اختصه بها مكين ما معنى مكين له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم يعني أعلى الملائكة منزلة هو جبريل عليه السلام مطاع مطاع ثم ما معنى ثم هنا يعني هناك مطاع ما معنى مطاع يعني الآخرون يطيعونه ثم ما معنى ثم يعني في السماء الملائكة الآخرون يطيعون جبريل أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى لديه من الملائكة المقربين جنود يعني جبريل له جنود نافذ فيه أمره مطاع رأيه آمين يعني مطاع ثم آمين ما معنى آمين ذو أمانة وقيام بما أمر به لا يزيد ولا ينقص يعني فيما يأمره الله سبحانه وتعالى ولا يتعدى ما حد له وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى. Donc là il parle de Jibril. Il dit Allah ici, il a qualifié de Jibril de Karim. Il a dit Rasoulin Karim. Karim, c'est-à-dire un noble, parce que Jibril, il a des nobles descriptions, des nobles qualités, des nobles caractères. Et c'est le meilleur des anges, et celui qui a la plus grande place auprès d'Allah. Donc ici, Allah a parlé de Jibril. Il a dit, dans cette sourate qu'on explique, Dhi Quwwa, c'est-à-dire il est doté de force. Allah lui a donné la force de faire ce qu'Allah lui a ordonné. Et parmi sa force, ici, il a fait une parenthèse, parmi la force de Jibril, c'est qu'il a retourné les maisons du peuple de Lot. Donc quand Allah a décidé de châtier le peuple de Lot, il a envoyé Jibril qui a soulevé leurs maisons ou leurs villages et qui les a retournés. Donc ça montre la force qu'Allah a donnée à Jibril. Zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, c'est-à-dire il a une makana, il a une grande position auprès d'eux. Dhil Arsh. Dhil Arsh, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du trône. Muta'in thamma, c'est-à-dire il est obéi là-bas. Muta', ça veut dire obéi. Thamma, ça veut dire là-bas. C'est-à-dire là-bas, dans les cieux, Jibril est obéi par les autres anges. C'est-à-dire les autres anges sont sous le commandement de Jibril, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ordonnent à ce que Jibril dit. Donc Jibril obéit à Allah dans son commandement et Allah a soumis à Jibril des anges qui obéissent à ses ordres. Amin, c'est-à-dire qu'il est de confiance et il ne rajoute rien et il n'enlève rien aux missions qu'Allah lui a dit de faire. وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى فإنه بعث به ملأ الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. Il dit ça, ça montre la place du Coran. Parce que si celui qui a été envoyé pour transmettre le Coran, il est ainsi, ça montre la place, la noblesse du Coran. Parce qu'il dit le shir, généralement les rois, quand ils envoient un message, s'ils envoient quelqu'un de noble pour transmettre ce message, c'est que c'est un message des plus importants. Et là de même, Allah Azza wa Jalla a envoyé le meilleur des anges pour transmettre le Coran. ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن من هو محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إليه الناس فقال وما صاحبكم بمجنون يعني كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليه بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة. Donc après qu'Allah ait parlé de l'envoyé angélique, c'est-à-dire celui qui l'a envoyé parmi les anges, il parle de celui qui l'a envoyé parmi les hommes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a dit وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ صَاحِبُكُمْ, c'est-à-dire entre guillemets votre compagnon que voici, donc à vous Quraysh, parce que vous le connaissez et il est issu de vous, n'est pas fou. Mejnoun, c'est-à-dire il n'est pas fou et il n'est pas non plus possédé. Mais au contraire, parce que ça c'est ce que ses ennemis veulent essayer de dire sur lui, pour pouvoir entraver sa mission et son chemin. Mais au contraire, c'est l'homme le plus intelligent entre vous et celui qui parle, qui est le plus véridique dans sa parole. ولقد رآه بالأفق المبين من محمد رأى جبريل أي رأى محمد جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. Donc le verset d'après dit ولقد رآه بالأفق المبين, et il l'a certes vu dans l'horizon clair, c'est-à-dire en plus haut que ce que la personne elle peut voir. Et le hadith il dit dans Sahih Bukhari, dans les débuts de la révélation, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril et il comblait l'horizon, c'est-à-dire il couvrait tout l'horizon. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ أي وَمَا هُوَ عَلَى مَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بِمُتَّهَمْ يَزِيدُ فِيهِ وَيَنْقُصُ أَوْ يَكْتُمُ بَعْضَهُ بَلْ هُوَ صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارا متفرسين إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم وهم الأساتذة وغيرهم قساراه أن يكونوا من تلاميذهم. Donc il dit وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ, c'est-à-dire il n'est pas avare vis-à-vis de l'invisible, c'est-à-dire qu'il lui a été révélé, c'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'accuse pas vis-à-vis de la révélation et du message, c'est-à-dire qu'il a transmis comme il devait transmettre, il n'a rien rajouté, il n'a rien enlevé, il n'a rien caché. Mais au contraire, il est celui à qui fait confiance les gens qui sont dans les cieux et les gens qui sont sur terre. Et il a transmis le message d'Allah Azza wa Jal et il n'a pas été avare. C'est-à-dire, il n'a pas privé les gens de ce message. Mais au contraire, il l'a montré à tout le monde, aux pauvres, aux riches, aux chefs, à ceux qui sont commandés par les chefs, aux hommes et aux femmes, aux citadins et aux bédouins qui vivent dans la campagne. Le Mohim, il l'a montré à tout le monde. Et parmi les signes, c'est que Allah Azza wa Jal l'a envoyé à une communauté ignorante et ummiya, c'est-à-dire dont la plupart ne savaient ni lire ni écrire. Et quand il les a quittés, c'était eux les plus grands des savants. Donc ça montre le degré de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah l'a envoyé dans une communauté ignorante et quand il les a quittés, il en a fait les plus grands des savants. Que les autres, ils ont du mal à être seulement leurs élèves. Donc il en a fait des ulama rabbaniyin, c'est-à-dire des savants et des éducateurs. وما هو بقول شيطان رجيم لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على أيديهما وأثنى الله عليهما بما أثنى دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه فقال وما هو بقول شيطان رجيم. Donc après, il a dit, et ce n'est pas la parole d'un shaitan, c'est-à-dire d'un démon maudit ou d'un démon lapidé. C'est-à-dire après qu'Allah Azzawajal a parlé du Coran en montrant les deux envoyés qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jibril, l'ange, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, maintenant il va vanter son livre en écartant toute accusation et tout défaut vis-à-vis de ce livre qui est le Coran. Et donc il a dit, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, c'est-à-dire ce n'est pas la parole d'un diable. أي في غاية البعد عن الله وعن قربه, يعني هذا معنى رجيم, يعني بعيد كل البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فأين تذهبون. Donc رجيم ici il explique comme quoi ça veut dire il est loin, très loin de la miséricorde d'Allah. شيطان الرجيم, c'est comme entre guillemets maudit en français. فأين تذهبون أي كيف يخطر هذا ببالكم وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق. On n'a pas besoin de lui montrer que dans le Coran il y a des miracles scientifiques, etc., etc. Yani beaucoup de musulmans maintenant à notre époque, quand ils veulent montrer l'islam à un non-musulman, ils disent regarde dans le Coran c'est écrit ça et on vient de le découvrir maintenant, etc. C'est vrai qu'il existe des choses comme ça dans le Coran, mais la plupart de ceux qui ont écrit dans ça, ils en ont rajouté. C'est-à-dire, on voit soi-disant une découverte scientifique, et un verset du Coran, ils essaient de le tourner pour que ça corresponde avec la réalité scientifique. Or, Allah, il t'a donné mieux que ça pour appeler les gens à l'islam. C'est l'aql. C'est-à-dire, la personne, quand tu lui présentes la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le message du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la vérité, elle est claire par rapport au faux. C'est-à-dire, quand il voit cet homme, qui il était, d'où il est sorti, à quoi il a appelé, qui l'a combattu, comment il a souffert, et qu'est-ce qu'il avait à gagner, la personne, elle ne peut que reconnaître que c'est quelqu'un qui était véridique. Ou sinon, quelqu'un qui ferait tout ça pour rien, on dirait c'est un fou. Or, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, elle montre qu'il n'était pas fou. Au contraire, c'était bel et bien l'homme le plus sage et le plus intelligent. Donc le non-musulman, on lui explique l'islam et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on lui dit, regarde, c'est clair. Pourquoi il aurait fait tout ça? Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Alors que quand il est mort, il dormait encore sur de la paille. Dans une maison, tu levais ta main, tu touchais le plafond. La chambre de Aïcha, les tabi'in, ils disaient, quand on levait la main, on touchait le plafond chez Aïcha. Et quand on s'allongeait, les pieds touchaient presque l'autre mur. Et qu'est-ce qu'il avait à gagner de faire tout ça, de se battre, etc., etc., de se battre contre sa propre tribu? S'il voulait se mettre sa propre tribu dans la poche, il n'y avait qu'à leur dire Allat al-Uzza, c'est ce qu'il y a de mieux sur terre, et ils l'auraient tous suivi. Mais au contraire, il y a insulté Allat al-Uzza, c'est-à-dire leur divinité, et ils se les ont tous mis à dos. Quel avantage? Aqlan, ça ne marche pas. Comme il disait un orientaliste, et ça je l'ai lu avec mes deux yeux, dans les années, c'est quelqu'un qui a écrit un livre dans les années 50, il disait, le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ait menti, ça pose plus de problèmes à résoudre que le fait que ce soit vraiment un prophète. Parce que si vraiment c'est un prophète, après tout, il n'y a rien d'étonnant. Mais s'il a menti, alors là, il y a plein de questions qu'il faudra qu'on comprenne. Pourquoi il a fait ça, comment ce Coran et tous les hadiths où il a fait des miracles, et pourquoi Allah l'a secouru de cette façon, et comment les gens ils l'ont suivi, etc., etc. Ça pose plus de problèmes que de dire que non, en vérité, tout simplement, c'est un prophète. In huwa illa dhikrun lil alamin, ya'ni yatadhakkaruna bihi rabbahum, ya'ni bi hadha al-Quran, wa ma lahu min sifati al-kamal. وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين. Et à la fin, Allah dit, إن هو إلا ذكر للعالمين. Ce n'est qu'un rappel pour العالمين, c'est-à-dire toutes les créatures, tous les mondes. C'est-à-dire que par ce Coran, les gens ils se rappellent d'Allah et ils se rappellent les qualités d'Allah et ils savent tous les défauts dont ils doivent exempter Allah. C'est-à-dire ils savent qu'Allah n'a pas tel défaut. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'épouse, il n'a pas de fatigue, etc. Parce qu'ils l'ont, ils s'en sont rappelés, ils l'ont appris dans ce Coran. Et aussi par ce Coran, les gens ils se rappellent les ordres et les interdits d'Allah. Et les sagesses qu'il y a dans les ordres et les interdits d'Allah. Il dit donc, pour résumer, dans ce Coran, ils se rappellent tout ce qui est bon pour eux ici-bas et dans la vie future. Et par laquelle ils auront le bonheur ici-bas et dans la vie future. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ يعني بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال يعني كأنه يقول هذا ذكرى لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ فَلْيَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يعني فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. Donc ensuite il a dit, ça c'est pour celui d'entre vous qui veut être droit. Donc là le verset il atteste que la personne elle a le libre arbitre. Voilà le message, une fois qu'il est clair, celui qui veut suivre il prie. Mais après il a dit, et vous ne voulez que si Allah le veut. C'est-à-dire, même ta volonté, elle ne peut pas sortir de la volonté d'Allah. Tu ne peux pas vouloir quelque chose qu'Allah n'a pas destiné auparavant. Parce que la volonté d'Allah, c'est celle-là qui est appliquée. Et il n'y a rien qui ne peut la contredire. وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة كما تقدم مثلها والله أعلم والحمد لله. Et il dit donc, ce verset, il comporte une réplique. Juste ce verset tout seul, il réplique à ce qu'on appelle... C'est l'heure ou pas ? Encore deux minutes, c'est fini de toute façon. Juste ce verset tout seul, il réplique à ce qu'on appelle Al-Qadariya. Et Al-Qadariya dans leurs deux sortes. Al-Qadariya, c'est la première ou une des premières, un des premiers groupes dans l'islam qui a divergé de Al-Jama'a. Et c'était à l'époque où certains sahaba, ils étaient encore vivants. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, la qadar, le destin n'existe pas. Et les sahaba, ils les ont durement critiqués, notamment Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Donc, Al-Qadariya, eux, ils disent que l'être humain, il fait ce qu'il veut, et la volonté d'Allah, elle n'a rien à voir. Donc, moi, je fais ce que je veux, Allah, il ne savait pas ce que je vais faire. Et si je veux faire quelque chose, Allah, il ne peut pas m'empêcher. C'est-à-dire qu'ils mettent l'être humain presque à la même place qu'Allah. Et de l'autre côté, Al-Qadariya Al-Mujbira, c'est-à-dire ceux qui disent que l'être humain, lui, il peut rien décider. C'est Allah qui le téléguide. Soit Allah, il en fait un pieux, ou il en fait un pervers, ça n'a rien à voir avec la personne. Elle ne choisit pas. Alors que le verset, il montre les deux en même temps. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ. Pour celui d'entre vous qui veut être droit. Qu'est-ce qu'on comprend ? Que la personne, si elle veut être droite, elle se met droite. Si elle veut être de travers, elle se met de travers. Donc elle a le choix. Mais tout ça, Allah le savait. Et il ne peut se passer que ce que Allah a voulu. C'est-à-dire, même si tu es pieux, c'est parce qu'auparavant, Allah, il l'a écrit. Et il savait que tu allais choisir la bonne voie. Et si tu es tordu, Allah savait que tu allais être tordu, il l'a écrit, il l'a décidé, il l'a décrété. Donc tu ne pourras pas sortir de ce qu'Allah a déjà voulu auparavant. Donc ça réunit les deux. C'est-à-dire, à la fois la volonté de l'être humain, elle est vraie, mais en même temps, elle est soumise, tout est englobé par la volonté d'Allah. Al-irad al-kawniya, qu'on appelle ça. Mais le shaykh, il dit, ça s'est déjà passé dans beaucoup de versets. C'est-à-dire, il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran, et peut-être qu'on l'expliquera mieux une autre fois, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.